que chaque épreuve nous forge. Il y a de la victoire dans l'échec, tes faiblesses sont ta force, chacun passe à son échelle. On a traîné dans la boue nous, on a dû mettre des bananes. Désolé j'étais pas tout doux, en mallette dans mes panards. On voyait mal la lumière, conscient qu'on étouffrait. On a creusé, creusé dans nos chairs, espérant qu'on la trouverait. On s'est trompé de quête, on a trop regardé nos pieds. Suffisait de lever la tête pour voir que le ciel gardait nos clés. On s'est plaint des riches, oublié qu'on l'était nous-mêmes. On a vadrouillé les villes, parti là où l'était nous-mêmes. On a grandi, pris des piges, appris à transformer nos problèmes. Je m'en vais remercier la vie, elle est partout où je me promène. N'écartez pas la peine, non, elle est indissociable. Car chaque émotion sur terre est le reflet de nos âmes. Écoute le fond de ton cœur, sois sincère avec toi-même. Celui qui chante ses mélanes, celui qui écrit ses manelles. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour soigner la souffrance et pour allumer nos phares. On a besoin de gens, on a besoin de gens pour éveiller les consciences en guise d'un nouveau départ. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour soigner la souffrance et pour allumer nos phares. On a besoin de gens, on a besoin de gens pour éveiller les consciences en guise d'un nouveau départ. Allez prévenir tous les autres, surtout dites-leur qu'ils sont pas seuls à se noyer dans une mer de faute, que la lumière est notre passeur. Ne crois pas que je n'ai pas de noirceur, je l'étends jusqu'à l'autre. J'essaye de transformer ma froideur, les ongles rongés jusqu'à l'os. Chacun mérite sa place, mais avant ça il faut qu'on s'entende. Persuadé que laisser sa trace nécessite qu'on construise ensemble. On s'abandonne, se fait mal, se déchire même la chair. On perpétue les schémas bord pour fuir jusqu'à la chair. J'essaye de me tirer vers le haut avant qu'une autre main me malmène. Mettre de l'amour dans mes mots avant qu'un autre bad me ramène. On a chacun ses défauts, mais l'important c'est tout ce qu'on s'amène. Mettre de côté notre ego pour remplir de couleurs nos panels. N'écartez pas la joie, non, elle est indissociable. Car chaque émotion ici-bas est le reflet de nos âmes. Écoute le fond de ton cœur, sois sincère avec toi-même. Celui qui chante ses mélanes, celui qui écrit ses manelles. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour soigner la souffrance et pour allumer nos phares. On a besoin de gens, on a besoin de gens pour éveiller les consciences en guise d'un nouveau départ. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour soigner la souffrance et pour allumer nos phares. On a besoin de gens, on a besoin de gens pour éveiller les consciences en guise d'un nouveau départ.